C'est dansé? Oh ouais, le voilà, c'est Jeffy. Tu trouves pas qu'il a l'air d'un canard qui danse? Oh bien sûr, il lui faut de la musique. Attention, Jeffy. Tu fais une ligne, je fais une ligne, chérie. Tu fais une ligne, je fais une ligne, baby. Tu fais une ligne, je fais une ligne, on se bat, on baise toute la nuit. Oh oui, baby, chérie. Tu fais une ligne, je fais une ligne. Mais il s'est dansé que sur cette chanson. Ah non, non, non, il danse sur n'importe quoi, regarde. Tu prends de la coque, je prends de la coque, chérie. Tu prends de la coque, je prends de la coque, baby. Tu prends de la coque, je prends de la coque. Mais copain, je crois qu'on a notre cinquième danseur. Oh oui, baby, chérie. Hé hé. Pouf. Après un extrait extraordinaire de South Park. Oh, j'ai le fun de même. Des coyots. Ben, en tout cas, Folie Choquée numéro 17, c'est 16001 ça. Non, pas 16001. 10001, ça existe pas 16000 en binaire. Je sais pas, je. L'émission numéro 16, 10001. Bon. Ouf, c'est un week-end pénible. Ouais, on va continuer avec la chronique Pogne ton journal. La suite. We are here to kill. Don't miss the return of the journal. Les événements de sa fille. Les enlèvements de sa fille. Début du procès de Myriam Bédard, Québec. Pipe. Ouvre la parenthèse. PC ferme la parenthèse. Myriam Bédard subira son procès devant un jury à compter d'aujourd'hui au Palais de justice de Québec. L'ex-biathlète. Il doit faire à gagner à peu près 7 médailles et cool en crise pour une fille de même. Là. Ben, je pense. Regarde, tu sais, tout le monde qui pense que quand on est cave, on peut rien faire. Là. Et boy, on peut faire de quoi? Mais c'est sportif, là. On peut faire de quoi? En tout cas, commence le procès, là. Puis, ils ont rempli ça avec plein de mots. Jean Moyer, son nom, en fait de quoi qu'il n'y a pas d'allure avec plein de mots! Ah là là là. Bon. Ouais, je vais vous lire la chronique super cool là. J'ai même pas lu, là, je vais aller voir. J'ai même pas ouvert la page encore. C'est de même. Prépare-toi pas. Page 41, Louise Deschâtelet. On va rire. Ben, on ne sait pas encore. Mais il y a du potentiel. Excusez, madame. Ah oui, saviez-vous ça que. Il y a une première femme qui va devenir une garde britannique là, avec le gros casque de poêle. Ça s'appelle un beef eater. Ouais. Puis contrairement à tout le monde qui pourrait penser exactement le contraire, là, le mot beef eater, là, qui est le garde britannique avec un gros casque de poêle, là. Beef eater, là, c'est vraiment étrange parce que l'origine du mot, là, on s'en entendrait pas pantoute. Ça vient de avant. C'est qu'il leur donnait une ration de bœuf à manger à tous les jours. Fait que ils sont appelés des mangeurs de bœuf. Ben, comme c'est britannique, c'est en anglais, fait que ça donnait beef eater, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment hallucinant. Fait que. Tabarnak. C'est une chronique intelligente. Oup, live. Ça dit que. Hein? Bon. Page 38, page 39, page 40. Ça s'en vient. Les pages ont dû tourner à soir. À soir, l'autre soir. J'ai chanté du blues. Mm-hmm. C'est vraiment pas une suite d'émissions. De même. Bon, le courrier de Louise Deschâtelet. Inceste. Non, pas de l'inceste. Personne n'a plus. Tabarnak. Je vais vous en lire rien qu'un, là, parce que les autres sont plates en tabarnak. Je sais pas, mais j'imagine. Harcèlement psychologique. Juste le fait de publier les lettres que vous recevez sur le harcèlement psychologique fait du bien à ceux et celles qui en ont subi. Un cas récent où l'exécutif syndical a préféré croire la version patronale qui m'a donné l'envie de vous parler. Ben oui. Mais on s'entend que si le parti syndical il écoute les patrons, là, c'est parce qu'ils ont un agenda. Oh boy. Bon, le responsable de mon dossier a pris des vacances et comme par hasard, la direction des ressources humaines a choisi ce moment pour me convoquer. Un autre officier syndical plus qualifié aurait pu me représenter, mais encore par hasard, mon dossier était introuvable. La vérité, c'est que l'officier en question n'avait jamais digéré que quelques années auparavant, je ne vote pas comme elle. Alors que nous étions sur le même exécutif syndical. Elle me l'a ainsi fait payer. Un regroupement de soutien aux victimes de harcèlement psychologique serait à souhaiter avant qu'elle ruine leur santé. Rita. Oh boy, si boy, là, quand vous réglez vos comptes, là, vous trouvez donc une meilleure manière que par Louise de Châtelet. Et ça conclut la suite et la fin de Pogne ton journal. Version du 4 septembre, Gabin. Ah, cette émission ne sera pas du tout disponible le 4 septembre, mais peut-être même pas le 5. Mais peut-être le 6, on verra comment que ça se passe. Mais peut-être le 5 aussi, mais le soir, personne sera là à temps. Mais ça va être samedi, ça va être le 5 au soir. En tout cas, fuck là. Pou, pou, pou, pou, pou. On va y aller pour une toune de... OK, excusez-moi, pardon, là, je suis en train de capoter. Racial Purity Big Box. C'est une suite, là. J'avais vraiment pas eu le temps de passer aucune de mes tunes que j'avais dit la dernière fois. Et je me grouille. Racial Purity Big Box. Ça va être la première tune. Il n'y a pas de nom. Ah oui, ben, je sais pas, mais si j'en crois, bon, je vais y aller, là. La tune va partir. J'ai mis le CT dans le socket. Il n'y a pas de calice de tunes, là. Fake. Quand vous faites des CD, là, mettez des tunes tabarnak dans le livret. Gagne. Bonne chance. Moi, le CD de Racial, le petit beatbox, là, si on interrompt cette émission-là, il fuck dans mon lecteur de CD d'ordinateur. Fait qu'il va manger de la merde. On va y aller sur pour Rich Chatham, An Angel Moved Too Fast aussi. Je vais le répéter parce que je pense que j'ai bafouillé. Rhys Chatham, An Angel Moves Too Fast to See. Avec la pièce, la dernière, La dernière pièce, Adagio. Ouais, c'est le fun parce que ce style de groupe-là, il fait des pièces comme si c'était un peu du classique. Parce que, ben, c'est ça, les pièces s'appellent Prélude, Intro, Allegro, puis Adagio. Chatham. Rhys Chatham, let's go. C'est quand même assez bon. Bonne soirée. We'll be right back. Eh bien, oui. C'était Rich Chatham avec Adagio. Et puis là, on va y aller avec un groupe que j'écoutais beaucoup. Et quand j'étais vraiment plus jeune, parce que c'est assez vieux, ça. Je parle jeune de 20 ans, là. C'est pas comme jeune. C'est un groupe qui vient sûrement de Joliette. Ils viennent de Joliette. Et puis, ça fait bien longtemps qu'ils ont pas fait de disques, ça, c'est sûr et certain. Ils ont quand même réussi à faire deux disques. Je vais pas vous passer mon premier disque que j'ai acheté de eux. Avec une pièce. Je pense que c'est le Roi X. Ça va être le Roi X, c'est le plus simple à passer parce que c'est la première toune, puis. Et radiophonique, mettons. Let's go Rose Noir. C'est un groupe québécois qui a quand même été écouté par moi. Allez. Sur les pires, le regard levé, l'honneur agité, le château brûlé. Le roi lance un cri à ses troupes, il dit: allez tuer celui qui commande l'ennemi. Chevalier, de l'armure masquée, tout de fer habillé. Au nom du Seigneur, vous chantez la douleur. On tuera celui qui commande l'ennemi. C'était un vieux rock québécois. Puis Colin, ben c'est pas vieux là. Ça date quand même des années 90. Mais je me rappelle pas de l'année parce que ils n'ont pas décidé de le mettre. Là, Royal Trucks, là, on va rentrer dans ce que j'aime. Du train. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de train. Du train. Alors, c'est une boîtier noire, CD noir, tout est noir. Avec un sticker de Mitsu, Royal Trucks. Let's go. Inqualifiable, on peut pas en parler, c'est vraiment pas évident. Alors, je vous passe avec une toune. Mais au moins, c'est dans les tounes, là. C'est marqué. Une toune de quand même 20 minutes. Peut-être pas. En tout cas, là, elle a commencé, là. Mais je vais l'arrêter parce que ça n'a pas vraiment rapport. C'est un groupe de bruit, mais acoustique. Alors, let's go, une toune. Royal Trucks. Thank you. Thank you. that valley bourgeois town. Zion on the owners and operators there is a kiss not sweet, not bitter. We'll be right back. Alors oui, ben c'était Royal Trucks. Si vous êtes découragé, ben c'est un peu normal. Et boy, c'était la poe. Ouais, je vais vous dire c'est quoi au moins le titre. C'est The Boxing Story. Royal Trucks. Achetez-en. C'est vraiment bon. C'est pas mal tout le temps de même. Alors, je sais pas, j'en ai rien qu'un CD, je n'ai pas racheté d'autres. Ils sont durs à trouver. Mais peut-être que tu n'aurais trouvé, je sais pas si tu n'aurais acheté. On va maintenant écouter Saloon, If We Met in the Future. Avec la toune que je vais. J'ai pas trouvé la toune encore, mais c'est un assez bon groupe. Saloon. Ben, la toune n'est pas commencée, là. C'est juste parce que j'ai mis CD dans la petite boîte. J'ai mis CD dans mon ordinateur, puis il part automatique. Je pense que je laisse ça de même. C'est tellement drôle, c'est des soirées cocasses, des événements drôles. Ouais, Saloon. J'allais oublier de quoi j'allais faire. Où je suis rendu, moi? Ah, je suis là. Saloon. Thank you. Mais alors, Alone, c'est une toune de Crowtrock qui a été sûrement inspirée par Noé puis Stereolab, c'est bien certain. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très, très, très, très bon. Je pense que le deuxième CD qui a été sorti, mais je ne l'ai pas acheté parce que je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Mais j'imagine que ça doit être extraordinairement bon. Je vais passer une toune maintenant de Sand, le groupe Sand, du disque Stillborn Alive. Ce genre de groupe de post-punk avec du saxophone. Yes, sir! Ça ne veut pas dire que c'est bon. Saxophone, mais ce groupe-là, il est bon. Le saxophone, c'est tout le temps bon, mais... Non, c'est pas tout le temps bon, là. C'est que, mettons, t'as un petit voisin de 8 ans qui joue du sax, c'est pas nécessairement aussi bon. Bon, il n'y avait pas de saxophone dans ce groupe-là. C'est, je me suis trompé d'instrumentation. C'est pas un saxophone, c'est un trombone. Ben, excusez. Mais, ouais, ben, c'est ça. Puis, je suis pas sûr que ça là-dedans. Hein, je suis pas sûr qu'il y avait de trombone dans cette tune-là. C'est la dernière tune de la pile de l'album. C'était Robert Ray. Robert Ray. Ouais. Robert dans le sens de Kayuchiuk. C'est londonien. Retirons le CD de mon lecture. Remettons le CD dans le boîtier. Ouais, je peux regarder si... ouais, en passant... je pense de mettre du Satan Tornade. Satan Tornade. Du Tornado. Satan Tornade. Ouais, c'est un genre de projet de Merzbow. Mais j'étais pas sûr si j'avais le temps. Mais je vais prendre le temps, ça a l'air... Ouais. Ah. Ouais. C'est des tunes de 15-20 minutes. Bon, ben, j'ai pas le temps. Hostie, je suis vraiment poche, là, mais ça va être à la prochaine émission. Vous avez eu un aperçu, c'est du bruit du train. Je vais mettre une tune de Satan Tornade à la prochaine émission. La numéro 18. C'est excellent. Passez une bonne soirée, puis j'ai super drôle aimé ça, super drôle. J'ai super beaucoup aimé ça, ça a été drôle de faire une chronique Punk Ton Journal, Louise Châtelet ce soir. Plein de choses, mais en même temps, c'est vraiment pas facile de faire une revue de presse avec un micro, un ordinateur, parce que, tu sais, on est comme pressé, il faut lire rapidement. Ben, je suis capable de lire rapidement, il n'y a pas aucun problème, mais c'est juste que je suis pas capable de discerner rapidement sans avoir lu d'avance les choses qui seront pertinentes à lire avant le temps. mais je suis quand même capable de voir les titres, et puis il y avait des titres assez impressionnants sur leur stupidité ce soir dans le Journal de Montréal. Ce soir, parce que je l'ai acheté ce soir, c'est vraiment terrible. Je dis, le Journal de Montréal devrait se checker, ça n'a pas de call, les allures. Il devrait commencer à informer les gens au lieu de leur faire peur. En tout cas, ce fut une folie choquée numéro 17, 10001, en binaire. Et puis, je vous souhaite une soirée. Bonne soirée.